Chapitre 14e, Cosmographie. Et c'est tout. Nos conversations reviennent les mêmes. Le plus souvent, je prends la parole, et tandis que mes dents s'amusent d'un palmeur, ma bouche s'emplit et se vide de mots. Les notes que je repasse tous les deux ou trois jours me sont alors très utiles. Elles condensent qu'un jeune homme doit savoir pour paraître supérieur. C'est un extrait de l'intelligence de Taine, vulgarisé à l'usage des gens du monde. C'est une ironie de Renan grossi, mise au point des vues moyennes. C'est un vers de Baudelaire qui étonne et qu'on écoute longtemps en soi-même, comme l'écho d'une voix grondant en un caveau. La science m'a fourni une vingtaine de faits précis et stupéfiants. Mais je ne les place pas au hasard. Pour parler de la foudre, j'attends qu'il tonne. J'explique l'éclair au passage. En astronomie, je m'en rapporte à Flammarion. Madame Vernet ouvre la fenêtre et tout de suite, ce qui des étoiles surprend le plus M. Vernet, c'est leur quantité. Si j'avais autant de pièces de 20 francs, je ne serais pas ici. Mais la destinée même des étoiles préoccupe Madame Vernet. Elle voudrait savoir s'il y a du monde dedans. Et si quelqu'un lui affirmait que oui, elle serait plus tranquille. Henri. Celle que vous regardez n'existe peut-être plus. M. Vernet. Comment cela ? Henri. Je dis vrai. Au contraire, il n'en est d'autres que vous ne verrez pas avant 2 ou 3 ans. Je pérore sur la vitesse du son, sur celle de la lumière, et je soutiens que le soleil est des centaines et des centaines de fois plus gros que la Terre. Monsieur Vernet, ça fait bien gros. Madame Vernet ferme la fenêtre. Je frappe coup sur coup et expose la doctrine de Kant. Monsieur Vernet, permettez, vous n'allez pas vous moquer de nous plus longtemps. Ne dépassons pas l'absurde. Me soutenir que ce verre, ce pot de moutarde, n'existe que dans mon imagination ? À d'autres, jeune homme. Dites que je me figure être en vie. Henri, qui sait ? M. Vernet, de son index recourbé comme un hameçon, se frappe 3 fois le front. Madame Vernet, laisse donc, tu n'y entends rien. Pour me venir en aide, elle rappelle les fréquentes erreurs d'essence. On croit voir une ombre sur un mur, on s'approche, il n'y a rien. Un chasseur tire sur un lièvre. C'était une pierre. Intéressée, elle m'invite à continuer. Mais j'ai fini. J'ai poussé devant moi mes réminiscences et les ai fait entrer dans le tourniquet de la conversation. Combien de soirées passerons-nous ensemble comme celle-ci, inutile, nous piétinons. Chapitre 15e. Je trouve un engagement sérieux. Madame Vernet. Puisque vos élèves vont prendre leurs vacances, vous devriez nous accompagner au bord de la mer. Henri. Y pensez-vous, chère madame, et mes affaires, mon avenir ? Madame Vernet. Vous travaillerez là-bas, vous aurez votre chambre, vous serez tranquille. Monsieur Vernet. Vous me rendrez service. Il faut que j'aille chercher ma nièce à son couvent. Cela me fait faire un grand détour. Vous conduirez ma femme directement. Je vous rejoindrai avec ma nièce. Madame Vernet. Et je n'aurai pas à m'occuper des malles pendant le trajet, quelle chance. Monsieur Vernet. Entendu, je vous confie ma femme et nos bagages. Madame Vernet. Vous reviendrez quand vous vous ennuierez. Monsieur Vernet. Naturellement, je vous offre votre voyage. Henri. Pouvez-vous croire que la question d'argent m'importe ? Mais je le répète. Mes travaux avanceraient-ils ? N'insistez pas. Vous me feriez de la peine. Je le regrette. Quand je dis non, c'est non. Les affaires avant tout. Les affaires, quelles affaires ? Je serai donc toujours le même. Chapitre 16e. En voyage. Nous allions voir la mer. Je pris avec moi mes autorités, la mère de Michelet, la mère de Richepin. Frappant de petits coups sur l'étrange pour en faire envoler la poussière, je me dis « Avec ça, je suis tranquille. » J'ajoutais à ces 2 livres les paysans de Balzac, pour le cas où je serais obligé de faire quelque excursion en pleine campagne, de causer avec un médecin ou un curé et d'admirer la nature. « Vous verrez, » me disait Madame Vernet, déjà bruyamment enthousiaste. Elle était tourmentée par la peur de manquer de vivres. Je lui offris de porter un panier de provisions. Elle refusa. Je n'insistais pas, car j'étais loin de l'aimer jusqu'à me charger de paquets. Ainsi, j'allais faire un assez long voyage avec une jeune femme, et je ne songeais pas qu'il me serait possible de mettre à profit l'aventure. D'autres préoccupations m'absorbaient. Il était 9 heures du matin. Vers 11 heures, il faudrait manger. À chaque instant, Madame Vernet me disait Je sens la faim qui monte. Ou bien encore, j'ai l'estomac dans mes talons. Ce chassé-croisé m'inquiétait. Il faudrait donc l'avoir mangé, et sans doute faire comme elle, dans ce compartiment de première, où des gens graves et ayant des idées en harmonie avec la classe des wagons qu'ils occupaient, d'abord étonnés, nous regarderaient, et détourneraient ensuite la tête par dégoût. Oui, sœur Sue, on ne peut pas passer 12 heures en chemin de fer sans prendre quelque chose. Mais comment va-t-il faire pour manger, dans un silence de mort, son œuf dur, qui, je crois bien, est rouge? Je souhaitais de voir notre compartiment se vider à la première station, non pour être seul avec Madame Vernet, mais pour qu'elle pût enfin manger à mon aise. Autre saut de terreur. Nous étions dans un express. Les arrêts devaient être rares, et je me vis dans la situation d'un homme qui ne peut tenir en place, ne sait quelle posture prendre, regarde à la portière, rougit et pâlit, la figure gonflée, met d'une manière inconvenante ses mains dans ses poches, et frotte l'une contre l'autre ses jambes vêtues d'étoffe claire, désespérément. Je comprenais très bien que la crainte d'avoir à manger, d'avoir besoin en route, la peur d'un déraillement, l'ennui d'entrer sous un tunnel noir, où tout l'être est pris de fièvre et tremble, serait ce jour-là autant d'obstacles à la progression de mon amour. « Auriez-vous peur ?» me demanda Madame Vernet, comme nous passions en grande vitesse sur un pont qui grinçait de jouissance dans tous ses fers. Je lui dis « Oh, moi, j'ai le physique lâche !» Comme je m'étais trop abaissé, je voulus me relever aussitôt et je commençai une théorie sur le courage qui prouvait que le véritable courage consiste à être courageux précisément quand on ne l'est pas. Près de moi, un monsieur lourd comme un bateau échoué fermait à demi ses paupières. Madame Vernet adorait mettre sa tête à la portière pour voir les tableaux rustiques se dérouler avec tant de rapidité qu'il semble que les champs marchent et que le train reste immobile. Comme à notre départ, j'avais manœuvré adroitement pour me trouver à reculons, elle se plaignit bientôt de la poussière et du grand vent. Je lui offris ma place, qu'elle accepta, et je remarquai bientôt, avec plaisir, que malgré mon sacrifice, une poudre fine et grise se posait doucement, continuellement sur son nez, ses paupières, ses joues, se délayait çà et là dans une goutte de sueur, la souillait et l'enlaidissait. De peur d'une migraine, elle avait installé son chapeau dans le filet où il frissonnait comme un oiseau qui couve. Un courant d'air brouillait les frisures de son front, et au soleil ses cheveux prenaient des teintes variées, bizarres. Une mèche surprenait par l'éclat de sa rouille et son air de se trouver là sans qu'on sût pourquoi. Comme Madame Vernet souriait du fond de sa bouche, une dent lança un éclair d'or. Il n'y a aucun motif pour que je lui prête des aspirations plus pures que les miennes, et cette pensée de derrière les reins doit nous être commune, qu'en somme, si l'occasion s'en présentait, nous coucherions bien ensemble. Chapitre 17e, c'est la mer. Nous avons changé de train. Le panier de provisions est vide. J'ai mangé autant que Madame Vernet, et tous les voyageurs avaient des œufs durs. Loin de se moquer, ils ont regardé Madame Vernet d'un air de gratitude quand elle a donné le signal. « Il est possible que j'aie une âme miroir, réfléchissant avec exactitude le monde extérieur, mais pour l'instant je donnerais volontiers un coup de pied dans cette âme à glace, pour en faire sauter les mille facettes à tous les vents. » Le petit train d'utilité locale nous emmène, sorte de jouet mécanique assez solide pour porter une douzaine de voyageurs et quelques paniers de poissons. Il s'arrête quand il veut, quand les voyageurs lui font signe. L'administration a jugé inutile de tendre des fils de fer de chaque côté de la voie. Au passage à niveau, point de barrière. Le train donne aux rares voitures le temps nécessaire, regarde prudemment à droite et à gauche, siffle longuement, comme pour demander s'il n'y a plus personne, et repart. « Il n'est pas méchant, » dit l'employé, qui va de portière en portière, non pour contrôler les billets, mais pour faire la causette avec les voyageurs, auxquels il offre de se charger des bagages à la descente. « Il n'a jamais écrasé une mouche. » Au gare, il s'amuse, lâche un wagon, en accroche un autre, en tamponne un troisième par mégarde, fin de manœuvrer, et vite essoufflé, se désaltère à la prise d'eau. Il parcourt une dizaine de lieues dans son après-midi, sans se gêner. Le médecin de Taléoum, dont la clientèle est dispersée sur la ligne, fait ses visites à chaque station. Entre l'arrivée et le départ, il saute de wagon, arrache une dent, accouche une femme et revient en agitant son chapeau. Le chef de gare siffle, le chef de train siffle aussi, la locomotive siffle à son tour et le petit train familier s'ébranle. Madame Vernet s'attendrit. Nous sommes d'ailleurs en pleine Normandie. Un souffle arrive de la mer. Je trouve l'air salé. D'après Madame Vernet, dont le nez aux ailes minces voltige, il est chargé d'odeurs de varech. Sous les pommiers, les courtes vaches regardent passer ce long animal noir qui s'en va et revient tous les jours aux mêmes heures et qu'on ne laisse jamais au vert. Une bue met au milieu d'un pré le rayonnement de son abdomen d'or. Je sens auprès de moi mon ennemi habituel qui me guette, la tristesse sans cause. Madame Vernet, la tête presque hors de la portière, sourit à une garde-barrière coiffée d'un chapeau de cuir qui tend avec gravité d'un bras droit son petit fanion roulé et du gauche un enfant. Henri, qu'est-ce que vous avez, chère madame? Si vous avez quelque chose, dites-le-moi. Madame Vernet, les yeux humides, pique son index dans l'horizon et ne dit que ces deux mots, la mer. Je regarde, ému du trouble de mon ami, indigné de ne rien voir. Devant nous se dresse le fort de la terreur, aujourd'hui inutile, mais d'aspect rude encore, vénérable au bout de sa digue comme un grand principe longtemps en cours dont on ne se sert plus. Entre lui et nous s'étale une sorte de bas-fond noirâtre comme un étang vide. Au-delà, par-dessus la digue blanche, tout au bord du ciel pur, le regard, en visant bien, peut s'accrocher à quelque chose qu'on prend indifféremment pour une série de rochers, une troupe de moutons, une file de nuages. C'est ça. Madame Vernet, elle est basse en ce moment. Elle dit cette phrase comme une excuse, contrariée parce que la mer s'est retirée à notre approche. Son éloignement la peine ainsi qu'une injure personnelle. Elle ajoute, elle va revenir. Je l'espère. En attendant, j'antidate sans difficulté ma bonne impression et m'écrie à l'avance. C'est égal, elle est bien belle, tout de même. Madame Vernet me remercie par un sourire. Plus qu'une communion en enthousiasme, cet incident nous rapproche. Nous pouvions attendre tranquillement le retour de la mer. Le petit train ne bougeait plus. Sa machine l'avait laissé là, s'en était allé. Ici frottait son derrière aux antennes d'un wagon de marchandises et plus loin s'exerçait à sauter d'une rainure d'un rail dans la rainure d'un autre, sifflotante, étourdie. La mer revint lente et calme. Madame Vernet donnait des explications. Il faudrait la voir furieuse. Henri. Quelle impatience, donnons-lui le temps. Qu'elle monte, se couche voluptueuse, sur les galets, comme une femme qui se plaît à palper les os de son amant. Qu'elle caresse le pied du fort, se coule derrière la digue, et étende sur ce vilain fond noir sa langue d'animal monstrueux, aplatie et miroitante. Je jouis de ma métaphore rococo. Madame Vernet tend l'oreille, ondule son cou un peu gras et remue les lèvres comme si elle suçait des paroles. Déjà je redoute la merveille de ce monde qui a causé le plus de délire. De nouveau le petit train nous vanne sur les banquettes entre des rails trop larges qui n'ont pas été faits à sa mesure. Il sent aller où, salue du sifflet les gens qu'il dépasse et communique sa gaieté aux voyageurs. Madame Vernet se prépare. Son âme retombe au milieu des ombrelles, des cannes, des manteaux de voyage, des paquets dont les ficelles, toujours utiles, seront conservées avec soin. Elle se regarde dans une glace de poche. « Je suis affreuse, » dit-elle. Les larmes, ces douces larmes qu'elle versait à la vue de la mer, se sont traînées comme des limaces sur ses joues poussiéreuses et les ont zébrées de barres. Heureusement, elle a son citron. Elle le partage en deux, m'en donne une moitié et se débarbouille avec l'autre. Elle a beau faire, on voit au coin de ses yeux, de ses lèvres, ces apparences innommables qu'on trouve sur les tables de restaurants mal essuyées. C'est une leçon pour moi. Je ne me sers pas de mon citron et préfère rester franchement sale. Il me semble que ce soit d'au moins se voir. Madame Vernet. Je suis laide, n'est-ce pas? Henri. Oh, madame! Je lui baise le bout de ses gants décolorés et garde aux lèvres un goût de pâte graveleuse. Chapitre 18e. Jamais au niveau de la mer. Attalée où, ma mansarde sent le bois neuf et la peinture fraîche. Une fenêtre étroite donne sur le petit port, une lucarne découpe une carte de visite de ciel, un œil de bœuf s'ouvre sur la mer. Je pousse ma table contre le mur, sous l'œil de bœuf, et solidement assis, Je regarde la mer avec fixité. J'ai l'air de dire « à nous deux ». Mais elle tient plus longtemps que moi. Mes yeux se brouillent comme sous un jet de verre d'eau froide. Et les comparaisons neuves ne me viennent pas. Je fais appel à des mots si magnifiques que deux de leur taille rempliraient un hexamètre. Plutôt, la mer m'hypnotiserait, m'abrutirait doucement. Elle moutonne à peine, ses petits flots grimacent. En ce moment, elle ne me donnerait pas 15 lignes de copie. Aussi, je m'y prends mal. Regarde-t-on la mer par un œil de bœuf? La maison appuie son flanc gauche à une énorme butte cubique qui la protège, elle et son jardin, contre les vents et les vagues. Je monte sur la butte. Elle est tout entière plantée de pommes de terre, dont les feuilles, j'en suis sûr, me feront songer, quand la nuit viendra, à quelques peuples de lapins qui broutent et remuent les oreilles. Devant la mer, mon embarras recommence. Ma langue ne rend qu'un clapement sec. La mer lèche les rochers, bave, crache dessus, c'est entendu. Ils apparaissent comme des tritons, des titans foudroyés, des animaux préhistoriques, des moutons, parfait. Le flot et la pierre se coltent, bravo, se cramponnent, écument et grondent, tout va bien. Mais j'ai vu ça partout, et je demande une sensation qui me soit propre. La grande bleue me désespère, car je ne peux lui offrir une image de mon cru. Mieux vaudrait lire une page de Pierre Loti. En somme, je la trouve bien, elle m'est sympathique, et j'aime autant la voir qu'autre chose. Mais je la souhaiterais, comment dire cela, un peu plus pareille à une belle montagne. Je lui reproche de manquer de pics neigeux, comme j'en ai vu en gravure. Oui, une montagne m'irait mieux. Édentée et garnie de petits villages, blancs comme des dés de tric-trac. Sans doute je reviendrai sur ces impressions, mais la trivialité de ce que la mer me fait éprouver m'exaspère contre elle. Nous ne nous comprenons pas. Un bateau va pêcher des brèmes, toute voile dehors. C'est un oiseau qui, les jambes trop courtes, marcherait avec ses ailes. Cet autre bateau rentre au port et rappelle une vieille femme qui a relevé sur sa tête son jupon où souffle le vent. Un torpilleur manœuvre au loin, gros cigare. Le Nautilus de Jules Verne m'a causé plus d'étonnement. Je repousse ces communes associations d'idées. Elles rebondissent sur moi comme des boules de bilboquet. La camelote des comparaisons encombre ma mémoire. À chaque vision correspond son expression d'usage. Le varech est une chevelure de noyer et le homard est le cardinal des mers. Heureux ceux qui peuvent dire simplement d'une belle chose. Voilà une chose qui est belle. J'y renonce. Je m'assieds sur un banc qui sera plus tard le banc des larmes. Et la tête dans mes mains, je fais noir en mon cerveau et j'assiste résigné, comme aux ébats de gamins qui ne peuvent pas se tenir en place à la danse des publics hyperboles. Je me désole de ne pas pouvoir rester un instant au niveau de la mer. Chapitre 19e. Civilité. Madame Vernet. Monsieur Henri, avez-vous du savon ? Henri. J'en ai, madame, merci. Madame Vernet. Dites-moi s'il vous manque quelque chose ? Henri. Il ne me manque rien, vous êtes trop bonne. Elle ne m'a pas encore prié de voir en elle une seconde mère. Elle n'entre pas dans ma chambre, et quand elle me montre un objet de toilette, je ne vois que sa main, un peu de son bras. Sa main est trop courte, trop sanguine. Au moindre effort, les veines ressortent, et Madame Vernet semble alors avoir des bouts de laine bleue sous la peau. Mais son bras est rond et blanc. Si une tension le découvre, la manche, quoique large au poignet, remonte peu, s'arrête avant d'arriver au coude et l'étrangle. « Avez-vous une brosse ?»« Encore. J'ai peur de la voir entrer, et je n'ose pas faire ma toilette. Poète, je parle des bretelles qui tirent, comme une oreille, mon pantalon, et les lèvres jusqu'à mes aisselles. Mon ventre au chaud paraît emmailloté. Debout, inoccupé, je cause à travers la porte avec Madame Vernet. Je n'ai pas été jusqu'ici gâté par les attentions des femmes, et tant de sollicitude m'amollit. Madame Vernet. « Êtes-vous bien ? Soyez franc. » Plus j'affirme être comme un coq en pâte, plus elle s'excuse et s'ingénie. Mes protestations que tout est pour le mieux l'encouragent à trouver que tout est au pire. « Ah, ces marins, ce sont de braves gens, mais ne leur demandez pas autre chose. » Et peu à peu, nous poussant l'un l'autre, nous en arrivons à traiter cette chambre, moi de palais, elle de taudis. « C'est à peu près propre, voilà tout. » Nous perdons un temps précieux. Je dis « Merci, merci. » Merci. Un grand nombre de fois, sans m'arrêter, pour en finir. car la manie de déprécier ce qu'on fait d'obligeant agace plus que celle de s'en vanter. Nous sortons. Madame Vernet connaît le pays, m'en fait les honneurs. D'abord, elle nous présente au pêcheur Cruz, nos propriétaires. Monsieur et Madame Cruz. Monsieur Henri, un jeune ami de mon mari. Les Cruz, en entendant prononcer leur nom et le mien, se demandent ce qu'on va leur faire. Je les salue de la tête. Ils me le rendent du genou, je dis. On m'a parlé de vous en des termes si excellents que je crois serrer la main à de vieux amis. Est-ce que je les prends pour des confrères? Ils répondent enfin, nous sommes banaises. On ne le croirait pas. On a dû leur couper les paupières pour qu'elles saignent ainsi. Le mari a un collier, une fourrure, un boa de barbe, et quand il se met à rire, c'est pour si longtemps qu'on pourrait chaque fois compter toutes ses dents une à une et faire la preuve. Madame Cruz, au contraire, a la bouche mince, froncée. Elle prise, et son nez recourbé, à la pointe remuante, semble toujours en train de piquer sur sa lèvre les brins de tabac qui retombent. Madame Vernet leur parle avec volubilité, prend des nouvelles du poisson, et m'explique ce que je ne comprends pas, juxtaposant les mots difficiles. Les pêcheurs, rouges, considèrent avec stupéfaction mon visage pâle. J'ai les pommettes saillantes. On m'affirme que dans 2 mois d'ici, je ne pourrai plus mettre mes focoles et que l'air de la mer aura bouché tous les trous. « À tout à l'heure, » dit Madame Vernet. Ils attendent qu'elle répète encore les noms. Nous nous apitoyons sur leur sort. Leurs hâles et leurs yeux sanglants m'ont frappé, et je crée en moi-même un type de marin supérieur, amant de la mer, épris du péril et du rêve, sentimental et sauvage, que je confonds maladroitement avec le père Cruz. Je l'admire avec effroi. Je voudrais soulever son crâne, pour voir à nu les impressions qu'ont laissé là les éléments en lutte, les spectacles grandioses. En même temps, je fais peu de cas de ma propre personne. Que suis-je, comparé à ces héros de tous les jours? Madame Vernet n'est pas moins troublée, et déraisonne avec plus de bruit. Madame Vernet. Avouez qu'au point de vue artiste, un marin nous intéresse plus qu'un paysan. Henri. Celui-ci courbe le front vers la terre. Celui-là regarde au loin ou lève les yeux au ciel. Madame Vernet. Le marin pêche surtout la nuit. Il met 10 lieues entre la terre et lui, et là seul, entre 2 immensités, sur une planche large comme la main, que la rapidité du courant fait gémir comme un violon, à la merci des trombes, des brumes, des grands vapeurs qui peuvent le couper en deux sans qu'il ait le temps de crier gare, il attend le poisson, mobile. Henri. Le paysan travaille le jour. La première odeur qu'il respire, en quittant sa chaumière, est celle du fumier étalé devant la porte. Puis il laboure, somnolent, entre les 2 bras de la charrue, le nez au derrière d'un cheval ou d'un bœuf écaillé de crotte. Que voulez-vous qu'il ressente? Madame Vernet. Le pied sur le plancher des vaches, le marin jette son or avec indifférence. Henri. Le paysan est avare et malpropre, il n'a qu'une chaussette, celle où dorment ses gros sous. Ainsi, chantant notre hymne, nous mettons en strophe égale la grandeur du marin et la bassesse du terrien, tout près de soutenir que ces hommes qui s'agitent ont pêché et vendent leurs poissons pour l'amour de l'art. Nous nous élevons ensemble et nous nous sourions, ivres d'espace, sur des hauteurs. Chapitre 20e. À fond de cale. Dans le petit port, la mer se gonflait sensiblement au soupir du flux, et après des hésitations timides où s'essayaient ses forces, soulevait une à une les barques échouées. Elles semblaient se réveiller, et comme de gros insectes noirs surpris par l'eau, faire effort pour reprendre pied. Des femmes assises sur leurs paniers attendaient les pêcheurs de congres. On apercevait déjà le premier au phare de Roquemaire. Ses 4 voiles dehors, poussées par le flot, par la brise, cherchant le vent avec le moins d'écart possible, il grandissait et décroissait dans le ras sans cesse en colère. Il dépassait les bouées, les balises, et s'acculant au flot, prenait son élan, entrait au port, et tandis que ses voiles s'abattaient avec un grand bruit doux, venait adroitement toucher la cale de son nez, sa vitesse morte. « Il a le ventre lourd, » disaient les femmes, « vous l'avez rempli. » Mais les marins ne répondaient pas. Cuivreux, avec des barbes comme des herbages, pareils sous leur capot enduit d'huile cuite, aux esquimaux qu'on voit sur les images, comme habillés de zinc jaune, trempés et laissant les bras écartés s'égoutter leurs doigts, ils attendaient que toutes les marchandes fussent là. Parfois, ils se passaient leurs manches de toile cirées sur les yeux. Un petit mousse était couché dans leurs jambes, endormi de harassement. la vente commença. Passés de main en main, les congres, grands comme des hommes, étaient jetés sur une large table où ils rebondissaient et glissaient, ranimés une seconde, la gueule fermée parfois sur un hameçon qu'on avait pu arracher. Tous portaient au flanc la trace du coup de gaffe qu'ils avaient allé à bord. Les plus petits étaient vendus deux par deux en frères. Au gros, on faisait les honneurs d'une enchère privée. « Et Stila ?» disait le patron. « Qu'équivaut ?» On ne se décidait pas. Chaque marchande laissait venir sa voisine et craignait d'offrir trop. « Il vaut rien, donc. » Mais sans doute, c'était une feinte, car soudain l'enchère montait, sou par sou, jusqu'à 100, et au-delà montait encore, 5 sous par 5 sous. Le patron s'échauffait, frappait la table de ses poings, salivait avec abondance, et les jarrets fléchis faisaient de brusques inclinaisons de tête. Les marchandes ne parlaient pas et ne surenchérissaient qu'au moyen de rapides clins d'yeux. Quand elles voulaient s'arrêter, elles baissaient les paupières, prenaient une mine désintéressée avec l'air d'être ailleurs. Au vol, le patron attrapait les signes. « 5 francs 10 sous, qu'on me dit. »« 5 francs 15 sous. »« 6 francs, vous êtes 2. »« 6 francs 5 sous. »« C'est-il tout ?»« 6 francs 5 sous à la Marie. » D'autres bateaux arrivaient, se rangeaient à la cale, et espéraient leur tour. Les marins se posaient des questions sournoises, regardaient les ventres des bateaux ou, sans gestes inutiles, se racontaient leurs aventures de nuit. Bien qu'elles fussent toutes les mêmes, ils s'y intéressaient réciproquement. Tout à coup, une voix de patron s'élevait, brutale et jurante. « Nom de Dieu, j'aimerais mieux le jeter à la mer que de vous le laisser pour ce prix-là !» Et prenant le congre par la queue, il le brandissait comme une arme menaçante. Mais les femmes, qui savaient les autres bateaux chargés, souriaient, goguenardes. « C'est-il pas un vol ?» disait le patron en cédant le congre, tandis que Madame Vernet, au bout de son cantique, le résumait en cette stance. « Je ne sais si je me trompe, mais il me semble que tout marin doit être un peu poète. » La vente, maintenant lente, s'éternisait. Cependant, Madame Cruz fut assez hardie pour acheter d'un seul coup la pêche d'un bateau tout entière. Tandis que, courbée, elle palpait les congres, pesait du doigt sur leur ventre blanc et élastique, le petit mousse couché dans les cordes regardait ses gros bas de laine tricotés et ses mollets comparables à des pieux. La mer avait fini de monter. De larges ondoiements tremblaient sur elle et s'en allaient mourir là-bas, au fond du port, tout près des laveuses de linge. Du haut du quai, des gamins allaient leurs lignes et faisaient sauter hors de l'eau les plis plates et ovales dont le ventre brillait comme une glace à main. Leur vente faite, les bateaux de congre venaient s'accrocher à leurs anneaux en bêtes dociles et on entendait tomber les lourdes ancres éclaboussantes. Les marins se passaient encore les souvenirs semblables qui leur revenaient de la nuit et chacun, juge en sa cause, se mesurait consciencieusement le blâme ou l'approbation pour telle manœuvre. Ils s'écoutaient avec patience, et n'étant préoccupés que de leur propre pêche, ils n'avaient point à se contredire. Les femmes recouvraient de glu les paniers où s'enroulaient les congres à expédier. C'était le coup de feu. Il s'agissait d'arriver avant le départ du train. Silencieuses, elles coupaient la paille, ficelaient les paniers, accrochaient les étiquettes, en supputant. Des mouettes aux cris rauques planaient, haut d'abord, puis se rapprochaient et rétrécissaient leur cercle autour de la tache rouge d'une tripe de poissons flottante. D'un coup de bec, elles s'enlevaient et s'évanouissaient comme des éclairs blancs. Il ne restait plus personne sur la mer. Elles berçaient tous les bateaux du petit port, les endormaient. Puis, comme une nourrice qui s'éloigne, elle redescendit. Elle s'en alla doucement, sur la pointe du flot. Leur crise de déhanchement calmée, les bateaux s'immobilisèrent, accroupis sur leur ventre et leurs pieds courts. Comme le reflux emportait la mer, la surexcitation de Madame Vernet et la mienne diminuait. Henri, regardez, la mère, c'est une belle femme qui, très soignée dans sa mise extérieure, tiendrait mal ses 2 sous. Madame Vernet, expliquez-vous. Henri, je dis qu'elle a de la crasse sous sa chemise. Voyez son lit. Un mendiant n'y coucherait pas. Est-ce sale? Les eaux de sèche y traînent comme des peignes. Les vers comme une gale boursouflent la vase. Que pensez-vous de ces crabes attardés, vermine grouillante? Madame Vernet, assez, je vous en prie. Henri, non, la mère s'est moquée de nous tout à l'heure. J'ai le droit de l'insulter et j'ajouterai qu'elle sent mauvais. Ce petit porc m'écœure comme un nez punais. Ne dirait-on pas un fond de mare dans une ferme mal tenue que des canards ont dallé de leur fiente ? Madame Vernet. Voyons, mon ami. Henri. Non, non, laissez-moi dire, je n'aime pas qu'on m'en fasse à croire. Divaguant ainsi, je ramenais Madame Vernet à la maison. J'avais envie de décrier. Une dépêche de M. Vernet nous annonçait son retour. Dans 2 jours, il serait là. Et je n'avais encore tiré aucun parti de la solitude. Je désirais Madame Vernet. Je craignais de ne pas réussir. Je redoutais son mari. Et tout en estimant qu'il serait plus craint de l'attendre, je me blâmais sévèrement à cause du temps perdu. Chapitre 21e. Importunité. Madame Vernet. Comment trouvez-vous cette purée ? Henri. Délicieuse, madame. Une autre s'en serait tenue là, mais avec inquiétude. Madame Vernet. Elle n'est peut-être pas assez salée ? Henri. Aussi. Madame Vernet. Elle l'est peut-être trop ? Henri. Oh non. Madame Vernet. Je vois bien qu'elle ne boit rien. Je me réjouissais de ses menus égards et du ton sympathique avec lequel elle me disait « Vous ne buvez pas ? Vous ne mangez pas ?» Un souffle si doux nous venait de la mer que je n'éprouvais plus le besoin de faire le glorieux et parlais simplement. Après dîner, nous fîmes une courte promenade sur la route, jusqu'à l'heure et jusqu'au point où les pommiers normands, par leur masse d'ombre frissonnante, nous causèrent de l'effroi. Au retour, afin de me rassurer, j'offris mon bras à Madame Vernet. Hâtif, légère et contracté, nous pressions le pas, ayant dans le dos la sensation d'être suivis. Aux premières maisons du village, je me tranquillisais, et joyeux comme un homme qui vient d'éviter un grand danger, je risquais une petite entreprise. Je laissais glisser jusqu'à ma hanche le bras de Madame Vernet, et en le relevant, le serrai. Elle ne me rendit pas la pression. Je feignis de buter une pierre et de perdre l'équilibre. Elle poussa un cri, mais me laissa reprendre mon aplomb tout seul. Au Christ de granit qui, planté sur la jetée, protège de ses bras écartés le village contre la mer, Madame Vernet s'arrêta pour souffler. Elle trouvait au Christ une figure originale. Elle s'assit sur une marche et me pria de m'éloigner un peu. Elle voulait rester avec elle-même. Les mains dans mes poches, j'allais, sur la pointe du pied, écouter la mer. La lune y projetait un sentier étroit et si direct que je n'aurais eu qu'à enjamber pour monter vers elle. Parfois, je me rapprochais à reculons de Madame Vernet, espérant qu'elle allait me dire « Rentrons ». Elle continuait de s'absorber. Les petits phares me regardaient. Je jetais des cailloux dans l'eau. « Quand j'en aurai jeté 10, me disais-je, elle aura fini de rêver. » Elle s'obstinait à faire la bouche d'ombre au pied du Christ, qui, pour cette cause, m'indisposait, comme un prêtre. « Cela m'a fait du bien, » dit-elle enfin. Mais il fallut monter sur la butte pour une nouvelle station. Quand nous fûmes assis chacun à une extrémité du banc, Madame Vernet. Vous devriez déclamer des vers. Henri. Ah non, par exemple, c'est assez d'émotion pour une journée. J'allais dire, allons nous coucher. Mais le mot était brutal, le pluriel insolent, et après une brusque saute d'humeur, j'eus encore le courage de louanger les étoiles, dont quelques-unes filaient à propos. Madame Vernet. Ne dirait-on pas qu'elle tombe dans la mer ? Henri, ça fait cet effet-là. Je bâillais si grand qu'une d'elles eût pu me tomber dans la bouche. Madame Vernet, on serait bien là pour pleurer. Le feu tournant du phare de Roquemaire clignotait au loin. Qui sait, dit-elle, combien de marins ont été sauvés par cet œil secourable de la nuit ? Aussitôt elle ajouta. Oui, mais qui sait combien d'oiseaux, attirés par sa flamme, s'y sont brisés les ailes ? Elle se délectait dans sa tristesse. Un châle de laine étroitement serré autour de ses épaules et les yeux fatigués par la lumière intermittente du phare, elle lui rendait grâce comme au sauveur des pauvres marins et le maudissait comme le tueur des petits oiseaux. Chapitre 22e. La dernière station. Elle avait lieu à la porte de sa chambre et je l'aurais volontiers prolongée. Nous tenions chacun une bougie qui s'agitait à notre haleine. Madame Vernet, la main sur la clé, ouvrait et refermait la porte, selon que l'entretien semblait mourir ou se ranimer. Aux entrebâillements, j'apercevais le blanc d'un rideau, le poli rougeâtre d'un meuble d'acajou, l'éclair d'un chandelier argenté, tout un fond de chambre à coucher, endormi dans une lumière discrète. « Allons, bonsoir. Bonne nuit. À demain. Si nous sommes encore de ce monde. » Et ainsi de suite, jusqu'à l'immortalité de l'âme, dont nous parlions avec intérêt durant quelques minutes. Comme une chatte qui flaire une attrape, elle se tenait à distance, son bougeoir défensivement levé à la hauteur du menton, et quand je lui serrai la main, je la secouai avec vivacité, car une goutte de bougie fondue et brûlante tomba sur la mienne. « Quelle femme stupide !» me disais-je, en rentrant chez moi. Ne pouvait-elle m'inviter à la suivre ? Ne voyait-elle pas que j'en avais envie ? Est-ce qu'elle n'est pas l'aînée ? Est-ce que je sais, moi, si je dois ou si je ne dois pas ? C'est à elle qu'il appartient de commencer, non à moi. Avec le bonheur que nous perdons ainsi bêtement, par sa faute, on pourrait saouler un ange toute son éternité. J'entendais marcher Madame Vernet, et je fus pris d'une curiosité polissonne. J'aurais bien creusé un trou dans le plancher, mais outre qu'on ne perce pas un plancher avec une aiguille, écouter me suffirait et me compromettrait moins auprès de ma conscience inégalement délicate. Ma bougie soufflée, la respiration contenue, les pieds nus, je me mis à plat ventre, et le front collé au parquet, sur une jointure, je suivis Madame Vernet de l'oreille. Cela ne gênait personne. Un son me faisait deviner une scène, et parfois tout mon corps tressaillait onduleusement. J'entendais les pantoufles de Madame Vernet claquer, l'eau couler. J'expliquais son remue-ménage comme un texte. J'interpolais ses silences comme des ratures, et je traduisais à ma fantaisie. « Je la vois, me disais-je, c'est une personne propre, mais ce n'est pas une actrice. Elle ignore les crayons qui peignent les cils, le noir de charbon, le rouge d'Orient et la graisse de cire blanche. Elle n'est donc pas obligée de se débarbouiller d'abord avec une crème. Un lavage à l'eau de Cologne suffit. Elle a quelques cheveux faux, mais elle en a un plus grand nombre qui sont vrais. Comme je n'entends qu'un seul versement à la fois, elle ne se sert pas d'eau tiède. Son médecin lui a recommandé l'eau froide en toute saison et pour tout. Elle a les seins un peu tombants et des nids dans les épaules. Cela m'est égal, je ne m'en sers jamais. Les épaules d'une femme sont pour ses danseurs et ses seins pour ses enfants. Elle n'est pas trop cambrée, car plus une femme se cambre, plus son ventre ressort. Elle parfume sa chemise d'héliotrope blanc et entre dans son lit à reculons, ce qui lui permet de regarder longuement sa jambe, sans contredit le plus beau morceau d'elle-même. Je m'imagine que, le matin, elle sort de ses draps avec lenteur, afin que ses nobles jambes se découvrent, comme apparaît, dans une inauguration officielle, le marbre lumineux d'un groupe, quand l'ouvrier, ému, d'un geste lève la toile, au signe du président. Je me redressais, et mettant une sourdine à tous mes mouvements, je me déshabillais avec un sourire obstiné, comme si j'allais m'étendre auprès d'elle. Chapitre 23e. Insomnie. La chambre de Madame Vernet est-elle une fournaise sous la mienne ? Je me retourne, j'ouvre l'œil de bœuf. Vienne toute la fraîcheur de la mer. Je m'agite ainsi qu'à l'approche d'un événement. Si Madame Vernet entrait dans ma chambre, en chemise, posait son bougeoir sur la table de nuit, s'aplatissait sur mon corps, je la trouverais très naturelle, et je lui pardonnerais de m'avoir fait attendre. J'ai toujours, en pensée, brusqué les dénouements. D'une femme à peu près jolie rencontrée dans la rue, je dis « Matin, quelle nuit on passerait avec ?» Une mère de famille a 4 enfants, mais elle est encore belle. Donc elle m'attendait pour m'offrir ce qu'il reste de beauté. Quant aux jeunes filles, elles grandissent pour moi et je les prendrai dès qu'elles me diront. Des nudités nuageuses se forment et se déforment. Je dois avoir les yeux injectés de sang. Comme un jardinier qui, par une blanche matinée d'avril, crève du nez de son sabot l'étoile d'araignée tendue sur les allées, je brise des virginités sans remords. À moi, les lèvres framboisées. Poète avocat, je viens de m'ameubler un salon tout neuf et j'attends la clientèle. Mais mon rêve est un mat de cocagne savonné où je glisse les mains vides. Ma faim de chair fraîche errait, tenue par une ficelle. Je la ramène. Voilà que je respecte toutes les femmes et me dis des gros mots. Tu jugeais les autres familles d'après la tienne, où l'immoralité suinte. Sache qu'il y a des femmes satisfaites de coucher avec un seul homme. Une lépreuse voudrait-elle de moi? J'en doute. Mais qu'est-ce qu'elle fait donc qu'elle ne vient pas? Si j'allais la chercher, quoi de plus simple? Ayant passé mon pantalon, j'irai frapper trois petits coups à sa porte. Le verrou n'est pas mis. J'entrerai dans l'obscurité et je ferai réchauffer mes pieds glacés. C'est généralement ainsi que les choses s'arrangent, ou mes lectures m'ont bien trompé. 9 fois sur 10, ça réussit. À la 10e, on ne meurt pas. Je me sens lâche. J'ai peur des gifles, d'une lutte corps à corps, des cris qui réveilleraient les pêcheurs creuses. J'ai peur encore du ridicule, d'un rire méprisant, d'un crachat à la face, et je me vois collé au mur, stupide, débraillé, ma culotte tombante et mes pieds nus, avec leurs doigts déformés par les marches de régiment, avec leur corps. Je m'imagine stupide de honte et les cheveux pleureurs dans le flamboiement d'une allumette. Sûrement, elle résisterait, et je ne sais pas du tout comment on s'y prend pour violer une femme. Quelqu'un m'a dit qu'il fallait frapper un coup sec au bas du ventre. Est-ce avec la main ou avec la tête, comme un bélier? D'autres prétendent qu'il suffit de presser fortement sur le nombril comme sur le bouton d'un timbre. Soit, mais elle peut ne me montrer que le dos, pour rire à son aise, en cavale sauvage. Or, chacun sait qu'un coup de pied entre les cuisses d'un homme le tuerait net, en tout cas l'endommagerait irréparablement. Je ris de mes hypothèses extravagantes, et j'aime à me figurer la scène, ce qui me détourne de la jouer. Je me promène, et m'évente en secouant ma chemise. L'œil de bœuf souffle dans mon col déboutonné. Je me surprends à dire « Hé hé, tout de même, si j'osais. » Je ricane, mais je n'ose pas. Je n'ose jamais rien. Et ma hardiesse, je la mets tout entière dans ce que j'appelle, avec un faste pédantesque, mes concepts. Tout dort, excepté moi. Si j'écoute au plancher, je ne percevrai que la respiration calme de Madame Vernet. Par l'œil de bœuf, j'entendrai le doux ronflement de la mer. Les rouges pêcheurs creuses gardent au cri de leur lit de plumes l'immobilité de 2 homards cuits. Les bruits qui me viennent du dehors ne sont que des bruits endormis. Allons, quand on est brave comme toi, on se recouche.